Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, les intellectuels au Québec. L'intellectuel, c'est celui qui aime les idées, d'abord et avant tout, qui aime discuter, au point probablement d'écœurer les gens qui l'entourent, à table ou ailleurs. Dans le fond, l'intellectuel, c'est celui qui est prêt à négocier, mais négocier avec sa tête. Très souvent, l'intellectuel est vu comme un casse-pied. L'auteur, cinéaste et intellectuel Jacques Godbout qui donne en 1987 sa définition de l'intellectuel à l'émission Position. Quelle place occuperont les intellectuels au Québec? Quelles seront les grandes figures intellectuelles chez nous? Quels combats épouseront les intellectuels québécois? Et quel rapport entretenons-nous donc avec ceux qu'on appelle justement les intellectuels? Il est un fait que, quelquefois, dans certaines discussions, le mot intellectuel peut sortir de la bouche de votre interlocuteur comme une espèce d'injure. Hein. Mais il faut aussi relativiser, c'est-à-dire que quand quelqu'un traite un autre d'intellectuel de façon un petit peu moqueuse, injurieuse, c'est qu'au fond, ce qu'il veut dire, c'est qu'il est peut-être trop abscon, il parle pour lui-même, il a un jargon incompréhensible, etc. Donc, il ne faut pas non plus s'accrocher quelquefois à l'usage de ce terme. Cela dit, je pense qu'effectivement, malheureusement, le Québec, mais comme l'Amérique en général, hein, de ce point de vue-là, je pense que le Québec n'est pas différent du reste de l'Amérique, il y a une méfiance globale. Thierry Henge, professeur de philosophie politique à l'émission Les idées plein la tête en 2001. Yvan Lamonde, vous êtes professeur émérite à l'Université McGill. Vous travaillez à un dictionnaire des intellectuels au Québec et vous venez de faire paraître avec trois de vos collègues Les intellectuels au Québec, une brève histoire publiée chez Del Busseau. Bienvenue à l'émission, Monsieur Lamonde. Bonjour, Jean. Toujours bonjour. Un plaisir de vous recevoir. Commençons par ce qu'on vient d'entendre. Est-ce qu'on a au Québec un problème avec les intellectuels? Oui, effectivement, je pense que c'est un casse-pied, comme disait Jacques Godbout. C'est quelqu'un que jugé abstrait, mais quelqu'un qui n'a pas nécessairement le réflexe de négocier. Il y en a qui négocient. À ce moment-là, Jacques Godbout parlait peut-être plus de lui-même que de l'intellectuel en général, lui qui a publié Le Réformiste. Mais oui, l'intellectuel est un casse-pied. Et casse-pied nécessaire. C'est l'esprit critique qu'on attend de lui, non? Tout à fait. C'est quelqu'un qui est dérangé par une situation et c'est quelqu'un qui dérange en retour, si je peux dire. Mais on a eu un problème parce que la tradition d'intellectualisme, la place de la raison raisonnante, la place de la raison critique a mis un certain temps à s'implanter et l'intellectuel n'a pu s'implanter que dans ce rythme-là. Ça commence quand, chez nous? À quel moment on commence à parler d'intellectuels? Qui sont nos premiers intellectuels? En fait, s'il y a un point de départ qui est l'utilisation même du substantif intellectuel, c'est 1901, c'est Léon Gérin, le proto-sociologue, si vous voulez, québécois. Et c'est lui qui, dans un contexte d'essor de la pensée scientifique, de la pensée analytique sur la société canadienne-française, c'est lui donc, comme sociologue, comme scientifique, mais qui n'a pas accès à l'université parce que l'université est sous le contrôle de l'Église, mais c'est donc Léon Gérin qui, le premier, parle des intellectuels. Oui. Parler de l'Église, évidemment, elle sera très, très importante. Il y aura de grands intellectuels qu'on pourrait catégoriser comme intellectuels catholiques. Évidemment, on pense au chanoine Gros, à Lionel Gros. On pense à Marie-Victorin aussi. C'est assez particulier. Comment définir, au fond, cette catégorie d'intellectuels? Ils seront là très tôt, eux, les intellectuels catholiques. Oui, ils seront là, mais il faut rappeler d'entrée de jeu qu'ils sont toujours en deuxième lieu. Gros, par exemple, s'oppose aux intellectuels, mais progressivement, il veut bien en être. Vous voyez, bon. Et au Québec, c'est impensable de ne pas définir ou faire place à l'intellectuel catholique, parce que si au départ, l'intellectuel est quelqu'un qui fondamentalement priorise la raison, et non pas quelques croyances ou quelques dogmes, l'intellectuel catholique devra être quelqu'un capable de critique, y compris à l'égard de sa propre hiérarchie. Ouais. Et ça, c'est évidemment un beau défi. Comment arriver à concilier cette pensée, cette démarche de l'intellectuel scientifique avec une croyance religieuse, avec une dimension spirituelle. On écoute un extrait formidable, Marie-Victorin, qui nous parle, écoutez, en 1943, de ce qu'il appelle l'arbre méditation. Je suis entré dans la forêt pour étudier l'arbre, assis sur la mousse, j'ai ouvert l'un de ces bons vieux traités de botanique d'autrefois qui savait tout et parlait doctement des plantes telles qu'on les voit. Et voici ce que me dit mon brave auteur au mot « arbre ». L'arbre est une plante ligneuse, vivace, ayant une tige principale que l'on nomme tronc, habituellement dépourvue de branches à sa partie inférieure, mais portant une couronne de branches à son sommet. D'impatience, j'ai repoussé le bouquin qui fut s'abattre, ouvert à plat ventre, sur les rosaces vertes des cornouillers. Non, ce n'est tout de même pas cela, l'arbre. Je crois fervemment que c'est le chef-d'œuvre de la nature, et dont la beauté n'est surpassée, et que par l'immatérielle beauté d'un être bien différent, qui vit et se meut sous son ombre, portant au front l'étoile de la pensée. Fatigué des vains bruits que font les hommes, je me tourne vers l'arbre. Je me pénètre de l'essence de sa forme et je suis sensible à la vie qu'il projette sur moi. Je le vois vivre et agir, lui que l'on dit immobile. Je lui parle, lui que l'on dit sourd, et j'entends sa réponse, lui que l'on dit muet. Ah, c'est fabuleux cet extrait, Yvan Lamonde, ça montre admirablement Marie-Victorin qui nous dit « Ce traité de botanique, je le lance au pied de cet arbre qui est tellement plus que ça ». Mais on est dans ce que vous décriviez là, la démarche scientifique qui s'oppose à cette dimension plus spirituelle. Ça va donner quoi en un mot? Est-ce qu'il y aura une réelle valeur, la contribution de ces intellectuels catholiques sur le plan justement de la science et de l'intellectualisme, elle sera importante ou pas? Oui, les scientifiques, pas nécessairement de sciences de la nature comme Marie-Victorin, qui très tôt d'ailleurs, publiquement, demandent à laisser les scientifiques travailler en paix dans leur laboratoire et à ne pas confondre les deux ordres. Ça, c'est méritoire, je dirais, chez lui. Mais les autres intellectuels catholiques, bon, Groux est un historien, le dominicain Georges-Henri Lévesque est un sociologue. Mais l'évêque, par exemple, parce que sociologue, est quelqu'un qui va, dès les années 40, apporter cette idée fabuleuse de distinguer entre le catholique et le civil. Ouais. Par exemple, il va défendre l'idée de l'autonomie civil du mouvement coopératif, disant par exemple le beurre n'est pas catholique. Vous voyez? Les femmes, elles arrivent, contrairement à ce qu'on peut peut-être penser, elles arrivent assez vite, les femmes intellectuelles au Québec. Il y a des voix qui se font entendre déjà au 19e siècle. Oui, elles arrivent vite parce que dans notre définition de l'intellectuel, la prise de parole verbe orale, mais surtout la prise de parole écrite, est fondamentale. Le journal et la revue sont les véhicules préférés des intellectuels. Ouais. Et donc, les femmes interviennent dans la presse au 19e siècle, d'abord en faisant des chroniques de vie domestique, mais assez rapidement, des femmes se confrontent aux problèmes des droits des femmes et vont fonder des revues et des journaux féminins féministe, et c'est dans cette foulée que s'amorce le mouvement de revendication des femmes à tout âge. Le droit de vote qui sera le premier grand combat, mais donc des intellectuels, et ça tout du long en fait, on va les retrouver dans les années 60, 70, les femmes intellectuelles féministes, c'est vraiment par définition des intellectuels de combat pour les droits des femmes, droit de vote au premier chef là au début du 20e siècle. Vous parliez de l'importance de publier, que la parole soit publique, il y a tout un courant donc de journalistes intellectuels. Oui, de journalistes intellectuels, mais aussi d'intellectuels écrivains, parce que l'intellectuel trouve son moyen d'expression dans le journal ou dans la revue, mais il le trouve, l'intellectuel-là, le trouve aussi dans l'écriture. Mm-hmm. Toutes les femmes, par exemple, le magnifique ouvrage de Patricia Smart, de Marie de l'Incarnation à Nelly Arcan, décrit ce qu'a été la montée de la conscience personnelle chez les femmes. Et donc, toutes celles qui tiennent un journal personnel, celles qui vont écrire comme Claire Martin, la joue de fer, ou alors là aussi il y a un lieu d'expression. Et puis il y aura donc plein de figures, je reviens à ces journalistes intellectuels, Henri Bourassa, Jules Fournier, Olivier Asselin, André Laurendeau aussi, on en parle de ces journalistes intellectuels et d'André Laurendeau dans un instant, mais d'abord un extrait d'une entrevue qu'accorde André Laurendeau. Il publie un seul roman, Une vie d'enfer, en 1965, et il en parle au journaliste Carl Dubuc. Monsieur Laurendeau, est-ce que ça vous embarrasse de parler d'une œuvre que vous avez écrite? Beaucoup. S'il s'agissait, disons, d'un éditorial que j'aurais écrit, ça m'est arrivé quelquefois d'ailleurs, vous savez, à Radio-Canada, on nous amène et nous sommes de défendre un point de vue qu'on vient d'exprimer dans le journal, là ça va très bien. Mm-hmm. S'il s'agit de personnages que vous avez créés ou que vous avez cru créer, là alors, de quelle façon en parler? Essayer de les expliquer d'une façon tout à fait rationnelle, je pense que ce serait les trahir, ou en tout cas, moi je me sentirais très embarrassé devant un personnage que je pourrais expliquer parfaitement. Je ne peux pas plus l'expliquer que je pourrais expliquer un ami ou que je pourrais vous expliquer vous. Mm-hmm. Alors vous avez écrit le roman, vous préférez qu'on le lise? C'est ça, si ça amuse les gens de le lire, qu'ils le lisent, si ça les amuse pas, ils n'en gagnent pas à le lire, c'est tout. Chez nous, Yvan Lamonde, est-ce que les intellectuels seront plutôt essayistes, littéraires, les deux à la fois? Il y a eu de grandes figures. Moi, je pensais en France, évidemment, à des Camus, à des Sartre, qui ont fait les deux très bien. Chez nous, ça se passe comment? Le cas de Laurendeau est intéressant parce que il y a chez lui à la fois l'intellectuel de la sensibilité et l'intellectuel de la raison. Jean Boutillette, qui a publié Le Canadien français et son double, le lui avait déjà écrit un jour. L'essai comme genre littéraire est le genre par excellence quasi naturel de l'intellectuel. Mmh. Et il est clair que après la Seconde Guerre mondiale, au moment où l'essai connaît un véritable essor, que cela est accompagné d'une émergence de l'intellectuel. On peut prendre comme indice la collection Constante chez Urtubiz HMH en 1960. Quand on prend cette collection d'essais Constante, on se rend compte que les 4 ou 5 premiers titres qui paraissent sont des recueils d'essais écrits dans les années 50. Alors donc, vous voyez une collection qui consacre l'essai et qui donne la voix à ce qui s'est écrit dans les années 50. Et ce sera l'après-guerre, l'explosion. Le Québec se prépare à cette grande révolution tranquille. C'est la marche vers la modernisation, c'est le refus global de Bordua, les automatistes, c'est l'antiduplessisme, c'est l'anticléricalisme, c'est la montée du syndicalisme, aussi des intellectuels syndicalistes avec ces grandes grèves, 49, l'amiante, Murdochville en 56. Ça bouge énormément à ce moment-là. Oui, en particulier dans le milieu syndical, parce que la période de la guerre a été une période faste pour le syndicalisme, dans la mesure où les travailleurs avaient une position de force. Ils devaient produire et les gouvernements devaient forcer le capital à se rendre à un certain nombre de demandes syndicales. Si bien que, par exemple, aujourd'hui, on pense à Cité Libre en pensant à Pierre-Éliott Trudeau, mais Cité Libre, en 1950, c'est un lieu où il y a un bon nombre de syndicalistes qui y travaillent, que ce soit Gérard Pelletier, que ce soit Réginald Boisvert, Pierre Vadeboncœur. Donc, le milieu syndical va produire des intellectuels, un certain nombre, dont certains vont, gestualiser leur pensée. Est-ce que Michel Chartrand, pour vous, est un intellectuel? Il pose un beau problème. Ouais. Hein? Il y aura parmi ces intellectuels syndicalistes des femmes, je pense entre autres à Madeleine Parent, qu'on écoute nous parler de son combat syndical, l'un de ses premiers. Elle en parle en fait dans cette entrevue qui est diffusée en 1974. Une des premières luttes que nous avons faites, c'est pour faire cesser l'exploitation des enfants dans les usines. Et c'est vers 44 à peu près que le gouvernement provincial a édicté une nouvelle loi un peu plus sévère contre l'exploitation des enfants dans les usines, après que nous avions revendiqué fortement dans ce sens-là. Les femmes dans les usines à ce temps-là gagnaient 18, 20, 25 cents de l'heure. Et il n'était pas question pour une femme ou pour qui que ce soit d'avoir de l'ancienneté. Mais les femmes souffraient d'insécurité surtout parce que chaque fois qu'une femme devait avoir un enfant, c'en était fini de son travail. Et quand elle voulait retourner travailler à l'usine, fallait qu'elle demande un emploi nouveau, tout comme une nouvelle personne qui avait aucune expérience. Madeleine Parent, qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Yvan Lamonde? Elle représente non seulement l'émergence des femmes parmi les intellectuels, mais l'émergence des femmes qui débordent la question spécifique du féminisme ou du droit de vote. Il y a des femmes qui, comme elle, sont actives dans le milieu syndical. Je pense à Léa Robach aussi, mm-hmm. par exemple. Mais on voit des femmes s'intéresser particulièrement à la situation politique internationale. C'est le cas de deux femmes bien connues, en particulier à Radio-Canada. C'est le cas de Judith Jasmin. Oui. Et c'est le cas aussi d'Adèle Lauzon, qui sera une des quelques femmes qui vont collaborer à Cité libre, par exemple. Et on revient à cette idée qu'on a à peine esquissé, là, mais l'importance tout au cours de l'histoire du journaliste intellectuel. Les intellectuels et la politique. Tiens, je pense à René Lévesque, journaliste, politique, intellectuel. Faudrait voir intellectuel. Lui se disait en tout cas entouré en 76, parce que le gouvernement de 76, c'est un gouvernement exemplaire sur le plan du nombre d'intellectuels autour de la table du Conseil des ministres. Puis dans sa biographie, Lévesque en parle en se disant je me sentais très intimidé par ça. C'est pour ça qu'il se sentait lui-même intellectuel. Mais toujours est-il cette idée de l'action politique pour l'intellectuel, quelle place ça doit prendre. On écoute Fernand Dumont, qui a été sous-ministre à l'époque de ce gouvernement Lévesque en 1976. Il parle de ça en 1972. En apparence, bien sûr, les intellectuels devraient se contenter d'écrire des livres comme un certain nombre que j'ai écrits, moi par exemple, sur la dialectique de l'objet économique, ça n'inquiète personne, c'est sur les fondements de la science. Mais il me semble que c'est impossible pour un intellectuel de passer sa vie à l'écart des autres hommes, d'écrire, sans se soucier des problèmes que vivent les hommes autour de lui, ce qui serait un paradoxe, évidemment, puisque écrire, c'est s'adresser à quelqu'un. Ce n'est évidemment pas la fonction de l'intellectuel, c'est pas non plus son pouvoir, de dire aux autres hommes ce qu'ils doivent faire. Là-dessus, je pense que ce sont les hommes eux-mêmes, des hommes en situation, qui peuvent le dire, qui peuvent définir ce qu'ils doivent faire à partir de ce qu'ils connaissent et de ce que ne connaît pas l'intellectuel. Moi, je dirais que l'intellectuel, c'est avant tout celui qui est soucieux des fondements. C'est celui qui porte un peu plus profondément la critique des valeurs, des systèmes, de l'existence telle qu'elle se déroule à son époque. C'est celui aussi, en contrepartie, parce que ce n'est pas seulement un critique ou un critiqueux, l'intellectuel, c'est celui aussi qui essaie de rassembler de plus loin les valeurs qui peuvent inspirer la vie des sociétés et l'avenir des hommes. C'est donc un homme qui, à la fois, doit prendre parti, doit participer au débat de son époque, mais qui aussi n'y entre qu'avec un souci qui lui vient de plus loin. Le même souci qui, d'ailleurs, inspire les livres apparemment abstraits qu'il écrit et auxquels on voudrait bien le renvoyer, mais qui n'ont de sens que par ce retour au combat des hommes, les hommes dont ils partagent le sort, le destin, les espoirs, les désespoirs aussi. Quelle est donc la place, Yvan Lamonde, de l'intellectuel dans l'action politique au Québec et quelle place auront occupé les intellectuels dans cette action politique? Moi, je pense que si l'intellectuel est quelqu'un qui s'engage sur des questions ou à propos de questions civiques, c'est quelqu'un qui, tôt ou tard, est tout à fait légitimé de prendre parti. Ça peut être de prendre parti politiquement, et de façon non partisane, mais ça peut être aussi prendre parti de façon partisane. À ce moment-là, pour moi, il n'est plus l'intellectuel qu'il était auparavant, parce qu'il perd, qu'il le veuille ou pas, sa liberté d'expression. Qu'il soit ministre ou pas, il est soumis à une certaine réserve partisane ou ministérielle. Mais l'important, c'est de penser que l'intellectuel n'est pas quelqu'un qui s'engage que dans de l'écriture ou dans de la parole. C'est quelqu'un qui va s'engager dans le syndicalisme, qui va garder sa liberté de parole plus ou moins, bon, qui va s'engager dans d'autres actions inédites. Je pense à ce geste aussi qui peut paraître anodin d'Olivier Asselin, qui lève un bataillon en 1917, mais ce bataillon, il est levé parce que Asselin croit fermement qu'il faut s'opposer à ceux qui ne veulent pas être conscrits pour aller défendre les valeurs universelles incarnées par la France. Bref, l'engagement politique est une forme de l'engagement, mais avec ses conséquences. On est déjà à la fin de cette émission. L'intellectualisme au Québec aujourd'hui, Yvan Lamonde, comment il se manifeste? Quelles sont les nouvelles voies, les nouvelles figures de cet intellectualisme? Je prendrai la figure de Mathieu Bock-Côté pour illustrer le fait que la figure même de l'intellectuel a changé depuis Camus, depuis Sartre, depuis Régis Debray, depuis Henri Lévy. C'est la radio, la télévision, les médias qui laissent peu de traces pour identifier la parole des intellectuels, qui donnent une survisibilité parfois à des intellectuels au risque de banaliser les propos, un peu comme on signe trop souvent des pétitions. Bref, l'intellectuel a changé à cause des médias. Et aujourd'hui, Mathieu Bock-Côté, qui est un universitaire, qui a publié des livres, qui tient une chronique au Journal de Montréal, qui est un blogueur, cette figure nous montre bien ce que devient l'intellectuel intervenant dans l'espace public. Donc, grande visibilité, mais qui laisse des traces aussi. Oui, parce que sinon, comment retracer ces intellectuels et surtout, quelle position ont-ils pris? Yvan Lamonde, professeur émérite à l'Université McGill, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, M. Lamonde. Au plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.